C'est dans le désert de Sonora que le diable me convoqua. Un drôle d'endroit pour un contrat, mais ça ne se discute pas. Le soleil plombait la vallée au volant de ma Chevrolet. Et sur la route de Calera, son visage, je ne le connaissais pas. Laisse Lucifer être sur ses terres. Laisse Lucifer être sur ses terres. Laisse Lucifer être sur ses terres. Laisse Lucifer. Soudain une ombre à côté de moi, c'était une le diable attendra. Elle venait de la dévaler. En vain j'ai voulu lui parler. Trouver les mots mais je restais muet devant tant de sauvage beauté. Laisse Lucifer être sur ses terres. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas.